Les deux chemins, parabole allemande. Un maître d'école était un jour dans sa chambre au milieu de ses élèves qui se plaisaient à l'écouter, car ses leçons étaient à la fois instructives et douces. Ce jour-là, il les entretenait de la bonne et de la mauvaise conscience et de la voix secrète du cœur. Lorsqu'il eut fini, il dit « Qui de vous pourrait me faire, sur l'idée que je viens de vous expliquer, une comparaison ?» Alors, un de ses disciples se leva et dit « Il me semble que je pourrais en faire, mais je ne sais si elle serait juste. »« Voyons, mon enfant, » répliqua le maître avec bonté. Et l'enfant exprima sa pensée en ces termes. « Je compare la paix de la bonne conscience et le trouble de la mauvaise au chemin que j'ai suivi en deux différentes circonstances. Lorsque les soldats ennemis passèrent par notre village, ils s'emparèrent violemment de mon père et l'emmenèrent avec notre cheval. Ma mère pleurait et se désolait, et nous pleurions comme elle, et elle m'envoya à la ville pour savoir ce que mon père était devenu. Je ne le trouvais pas et m'en revins la nuit, le cœur bien affligé. C'était une sombre nuit d'automne, le vent gémissait à travers les sapins, l'or frais hurlait sur les rochers. Moi, je pensais que je ne reverrais peut-être jamais mon bon père, et je ne savais comment annoncer à ma mère le triste résultat de mon voyage. Alors, cette nuit obscure me causait une grande frayeur, et le bruit des feuilles emportées par le vent me faisait frissonner, et je pensais en moi-même, il doit en être ainsi de l'homme qui a une mauvaise conscience. « Enfant, s'écria le maître, voudriez-vous, au milieu d'une nuit effrayante, aller à la recherche de votre père et ne pas le retrouver et entendre la voix de l'orage et les cris des bêtes sauvages ?»« Oh non !» répliquèrent les enfants avec un cri d'effroi. Leur jeune condisciple continua son récit. « Une autre fois, dit-il, je suivais le même chemin avec ma sœur. Nous revenions de la ville et nous en rapportions plusieurs jolies choses pour la fête de notre mère. C'était le soir, mais un beau soir de printemps, un beau ciel clair, une lune sans tache et de tous côtés un calme délicieux. On entendait dans le silence de cette soirée que le murmure du ruisseau coulant le long du chemin et le chant du rossignol caché dans les bois. Nous nous en allions, ma sœur et moi, si heureux qu'à peine pouvions-nous parler. Notre père bien-aimé vint à notre rencontre, et alors je pensais, il doit en être ainsi de l'homme qui a une bonne conscience. « Très juste, dit le maître, sont vos deux comparaisons. »